Le 11, la représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a publié un communiqué qui affirme l'attitude du gouvernement de la République face à l'hostilité des États-Unis et à l'abus extrême de pouvoir de la commission de sanctions contre la Corée du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a indiqué « Les États-Unis poussent la commission de sanctions contre la Corée du Conseil de sécurité de l'ONU à tenir successivement au siège de l'ONU les réunions non officielles d'information sans précédent par groupe régional et cherche stupidement à engager la société internationale à la sanction contre notre République. Les États-Unis déplorent que beaucoup de pays ne s'engagent pas dans l'application des résolutions sur la sanction et menacent ouvertement de punir par la sanction les pays qui n'appliquent pas les résolutions ou qui n'y prêtent pas l'attention. Cela prouve l'illégitimité et l'injustice des résolutions fabriquées par les États-Unis. Et la commission de sanctions contre la Corée dénature le contenu des résolutions qui disent qu'aucune influence négative ne sera exercée sur la vie des habitants et stigmatise comme l'acte illégal le commerce irrégulier entre les pays et jusqu'à la gestion de restaurants. Ce n'est rien d'autre que l'abus de pouvoir. Si le Conseil de sécurité trouve juste ces résolutions, elle n'a aucune raison de ne pas accepter la proposition donnée plusieurs fois au secrétariat de l'ONU par notre République pour organiser un forum international des juristes destiné à expliquer le fondement juridique des résolutions. Au lieu de forcer l'application des résolutions, le Conseil de sécurité doit réfléchir une fois de plus pourquoi les résolutions ne sont pas appliquées et faire de sorte que leur légitimité soit expliquée au forum demandé par notre République. Le gouvernement de notre République rejette totalement la démarche frénétique livrée par les États-Unis et la commission de sanctions contre la Corée du Conseil de sécurité sous prétexte de sanctions en la stigmatisant comme le pire crime contre l'humanité qui méprise même les réglementations internationales élémentaires et les connaissances de commerce et qui empiète sur la souveraineté de la Corée et surtout le droit de son peuple à l'existence.